Chapitre 7. Reviens, reviens, ô Sulamite, reviens, reviens que nous puissions te contempler. Pourquoi voulez-vous voir la Sulamite dansant comme en un double cœur? Que tes pas sont gracieux dans tes sandales, fille de prince. Le contour de tes hanches ressemble à un collier, œuvre de main d'artiste. Ton nombril est comme une coupe bien arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est comme une meule de blé bordée de lys. Tes deux seins sont deux fans jumeaux d'une gazelle. Ton cou est une tour en ivoire. Tes yeux sont des étangs de Heshbon près de la porte populeuse. Et ton nez semblable à la tour du Liban postée en sentinelle en face de Damas. Ta tête sur ton corps est comme le Carmel et tes cheveux ont des reflets de pourpre. Un roi est enchaîné dans leurs ondulations. Que tu es belle et que tu es gracieuse, ô mon amour, ô fille délicieuse. Par ta taille élancée, tu es comme un palmier. Tes seins en sont les grappes. Alors j'ai dit, ah, je vais monter au palmier, j'en saisirai les grappes. Que tes seins soient pour moi des grappes de raisin. Le parfum de ton souffle rappelle celui de la pomme et ton palais distille le vin le plus exquis. Oui, un bon vin qui va droit à mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'assoupissent. Moi, je suis à mon bien-aimé et c'est moi qu'il désire. Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne. Nous passerons la nuit au milieu des hameaux et nous nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs et si leurs bourgeons sont ouverts, si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers. Là-bas, je te ferai le don de mon amour. Les mandragores exhalent leur parfum. Nous avons à nos portes des fruits exquis, de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés.